الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل قراءتنا بحول الله جل وعلا في كتاب تجريد التوحيد المفيد سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc on va continuer inchallah sur notre étude du livre de l'œuvre تجريد التوحيد المفيد en implorant Allah qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actes. Et dans la dernière assise, on avait commencé la lecture du passage lorsque l'auteur nous enseigne que par rapport au verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », il y a quatre catégories de gens. Donc il a mentionné les quatre catégories lorsqu'au début de l'énoncé, il dit وَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِاسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ وَأَجَلُّهَا وَأَفْضَلُهَا أَهْلُ الْعِبَادَةِ وَالِاسْتِعَانَةِ بِاللَّهِ عَلَيْهَا فَعِبَادَةُ اللَّهِ غَايَةُ مُرَادِهِمْ وَطَلَبُهُمْ مِنْهُ أَنْ يُعِينَهُمْ عَلَيْهَا وَيُوَفِّقَهُمْ لِلْقِيَامِ بِهَا نِهَايَةُ مَقْصُودِهِمْ. Donc la fois dernière, dans la dernière assise, on a expliqué la première catégorie, la première catégorie, c'est ceux qui ont rassemblé entre l'ibada wa al-istirana, entre l'ibada wa al-istirana. Thumma qala, pour la deuxième catégorie, il dit wa yuqabilu ha'ula al-qism al-thani. Et à l'inverse, il y a la deuxième catégorie, ceux qui, la ibada wa la istihana, ceux dont il n'y a ni ibada, ni istihana, comme on a développé cela, explicité cela dans la dernière assise. Et l'auteur nous avait enseigné un enseignement très pertinent lorsqu'il développe cette catégorie. Il dit, c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal peut donner, il donne aussi bien à ses alliés, ce qu'on appelle Al-Awliya, mais aussi A'da'a. Il donne aussi bien à ses alliés qu'à ses antagonistes et ses adversaires. Fayumidu ha'oula wa ha'oula. Donc il peut aussi bien donner à eux qu'il peut donner à eux lorsqu'il lui demande. Il avait donné l'exemple, par exemple, avec Iblis. Iblis, on avait dit, comme dit l'auteur, le Satan, Shaitan, est le plus haïssable auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Malgré tout, Allah azza wa jal a répondu à sa demande. Allah a répondu à la demande de Iblis. Et c'est pour cela que l'auteur explique que Allah Azza wa Jal yati li ha'ula idha sa'aluh wa yati li ha'ula idha sa'aluh yani yas'aluhu awliya'u wa a'da'uhu wa yas'alu awliya'uhu al-muttaqun wa yas'aluhu a'da'uhu wa minhum al-kuffar wa al-mushrikun. Et Allah peut donner aussi bien eux qu'à eux. Dans l'exemple de Iblis, par exemple, Iblis wa akbar a'da illahi azza wa jal. Lamma amarahu Allah bis-sujudi fa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Lamma amarahu Allah bis-sujudi li Adam aba wastakbara wa kana min al-kafirin fal'anahu Allah wa tarada min rahmatihi. Thumma da'a Allah fa laysa lahu ghina 'an Allah azza wa jal. Qala fa anzirni إلى يوم يبعثون فطلب من الله أن ينظره وأن يمد في حياته إلى يوم البعث من أجل أن يضل بني آدم ويضر بني آدم بزعمه فالله جل وعلا استجاب له وقال قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Et regardez par exemple l'exemple d'Iblis, le Satan, Shaitan, le diable, qui est l'être le plus méprisable et haïssable auprès du Créateur, lorsque celui-ci, Allah Azzawajal, lui avait ordonné de se prosterner. Lorsqu'Allah avait ordonné à Iblis de se prosterner. Aba wastakbara. Il a refusé et s'est enorgueilli. Et donc il n'a pas répondu favorablement, obéi à son Créateur. Malgré tout, malgré qu'Allah Azzawajal l'ait ensuite taradahu, expulsé, malgré qu'Allah Azzawajal l'a maudit, il fut donc expulsé de la miséricorde du Créateur, malgré cela, alors qu'il invoqua et demanda à Allah Azzawajal de lui donner un délai, Allah lui a donné un délai. Alors, Iblis a demandé au Créateur. Il a demandé au Créateur un délai. Et malgré qu'Allah Azza wa Jal l'ait banni et l'ait expulsé, et malgré qu'il sera privé de la miséricorde du Créateur, et c'est l'être le plus haïssable auprès du Créateur, mais Allah Azza wa Jal a répondu à sa demande et lui a donné ce qu'il a demandé. Il a demandé un délai. Et lui, son but, c'est de causer la perdition et l'égarement de tous les êtres, des êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, glorifié et exalté soit-il, lui a donné ce délai. Il a yawm al-ba'th, jusqu'au jour de la résurrection. Et donc Allah lui a dit, qala fa'innaka min al-munzarin. Tu as certes ce délai, Allah lui a accordé. Il a yawm al-waqti al-ma'loum. فالشاهد من هذا أن الله استجاب دعوة إبليس وهو أكبر أعداء الله فالله يعطي ويستجيب لأوليائه وأعدائه. Et donc, المهم, en résumé, ça c'est une faïda qu'il faut bien assimiler. En résumé, qu'est-ce qu'on déduit ici et qu'est-ce qu'on comprend? الشاهد, l'élément illustrant ici, si vous voulez, c'est qu'Allah Azza wa Jal a répondu à l'invocation, à la demande de Iblis. Et lui, c'est le plus grand ennemi et adversaire, on va dire, ou plutôt le plus grand ennemi et antagoniste du Créateur. Subhanahu wa ta'ala. C'est le plus grand ennemi d'Allah. Iblis, le Satan, le diable. Mais malgré tout, Allah Azza wa Jal a répondu favorablement à sa demande et lui a donné délai. Ensuite, l'auteur dit, c'est pour ça qu'ensuite l'auteur dit, وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ تَكُنْ عَوْنًا عَلَى مَرْضَاتِهِ كَانَتْ زِيَادَةً فِي شِقْوَتِهِ وَبَعْدِهِ فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِإِبْلِيسِ وَأَنْذَرَ وَلَكِنْ هَذَا زِيَادَةً فِي عَذَابِ وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ فَلَيْسَ إِكْرَامًا لَهُ. Et donc on avait appris aussi que lorsqu'Allah Azza wa Jal a répondu favorablement à Iblis, ce n'était pas par en vue de l'honorer, mais c'est plutôt à l'inverse. Donc parfois Allah Azza wa Jal peut répondre à l'invocation d'un tierce, mais ce n'est pas forcément en vue de l'honorer. Et l'auteur ensuite nous enseigne, et parfois Allah Azza wa Jal peut ne pas répondre favorablement à la demande de l'un de ses serviteurs proches et pieux, mais ce n'est pas en vue de le rabaisser. Mais on a dit, c'est en vue de le protéger et de le préserver d'un mal. Donc ça, c'est très important à comprendre pourquoi. Parce que comme l'auteur va nous l'enseigner ensuite, l'auteur nous dit que avec cela, le serviteur évitera de tomber dans une mauvaise conjecture, une mauvaise pensée envers le Créateur. De sorte qu'il se dise, si Allah Azza wa Jal ne m'a pas donné à moi, c'est en vue de me rabaisser, de me priver et de me punir. Alors que peut-être qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il lui a pas répondu et exaucé sa demande, c'était en vue en réalité de le protéger et de le préserver. et de le préserver. Et donc Allah yaf'al ma yasha. Allah fait ce qu'il veut. D'ailleurs, les savants, certains savants, ont dénombré dans le Coran combien de fois Allah Azzawajal, combien de fois Allah Azzawajal lit des choses à sa volonté. Lit des choses à sa volonté. Par exemple, Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah donne la suprématie à qui il veut et il ôte à qui il veut. Et il donne risq, yu'ti liman yasha, il donne à qui il veut. Donc vous avez vu la volonté d'Allah Azza wa Jal, certains savants ont dénombré, ils ont dit c'est venu dans plus de 400 passages du Coran. Dans plus de 400 passages du Coran, Allah Azza wa Jal fait allusion à sa volonté. Il donne à qui il veut, il rabaisse qui il veut, il élève qui il veut, il donne la subsistance et l'accorde à qui il veut. Vous avez vu, c'est lié à sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Mais l'individu est pressé. L'individu est de par nature pressé. Et donc hâtif. C'est pour ça que dans un verset, Allah Azza wa Jalla dit وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Regardez dans ce verset immense, Allah Azza wa Jalla nous dit, une traduction relative rapprochée du verset, et l'homme invoque en demandant le mal comme il demande le bien. Regardez, l'homme invoque en demandant le mal comme il demande le bien. Regardez, وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ. Il invoque le mal comme il demande le bien. Et Allah nous dit وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. Mais certes, l'homme, l'individu, est عَجُولًا. Il est pressé. Toujours il est dans l'empressement. Alors parfois il peut demander des choses, mais en réalité c'est un mal pour lui. C'est pour cela que Allah Azza wa Jal, parfois, il ne donne pas, mais pour préserver l'individu, pas forcément en vue de le rabaisser. Et parfois certains, il leur donne, pas forcément en vue de l'honorer, mais à l'inverse. Comme cela, Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut. Pour cela, regardez après que l'auteur est cité, il dit, dans cette très belle parole dont on avait terminé notre assise hier, lorsqu'il dit وَعَلَمَتُ هَذَا أَنَّكَ تَرَى مَنْ صَانَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ يَجْهَلُ حَقِيقَةَ الْأَمْرِ إِذَا رَاءَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقْضِي حَوَائِجَ غَيْرِهِ يُسِيءُ ظَنَّهُ بِهِ تَعَالَى وَقَلْبُهُ مَحْشُومٌ بِذَلِكَ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ وَأَمَارَةُ ذَلِكَ حَمْلُهُ عَلَى الْأَقْدَارِ وَعِتَابُهُ فِي الْبَاطِنِ لَهَا وَلَقَدْ كَشَفَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْمَعْنَى غاية الكشف في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. Et regardez dans ce verset, ensuite l'auteur dit أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته وما ذاك لكرماته علي وما ذاك لكرامته علي ولكنه ابتلاء مني وامتحان له أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسرب إياه وأحوله عنه لغيره وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدري لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي ولكنه ابتلاء وامتحان مني له أفيصبر أو أيصبر فأعطيه أضعاف ما فات أم يتسخط فيكون حظه السخط وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه علي وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته. فغاية سعادة الآباد في عبادة الله والاستعانة به عليها. Et là, c'est très pertinent ce que dit l'auteur, une traduction rapprochée de ce que dit l'auteur. Regardez. Alors, après qu'on expliquait tout ce qu'on expliquait, on avait terminé cela, comme cela, dans la dernière assise. L'auteur, après nous avoir donné cette notion très importante, il cite le verset. Le verset où Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit une traduction relative. Quant à l'homme, si son Seigneur l'éprouve par les honneurs et les bienfaits, il s'exclame « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais s'il l'éprouve en réduisant sa richesse, il dit « Mon Seigneur m'a méprisé pourtant ». Vous avez vu ? Allah Azzajal nous l'enseigne cela dans le Coran. Donc l'auteur, toute cette notion qu'il nous a donnée, elle est tirée du livre saint et noble du Créateur subhanahu wa ta'ala. Quant à l'homme, si son Seigneur l'éprouve par les honneurs et les bienfaits, il s'exclame « Mon Seigneur m'a honoré ». Par contre, s'il l'éprouve en réduisant sa richesse, il dit « Mon Seigneur m'a méprisé pourtant ». Ça, c'est la parole littérale du verset. L'auteur dit, autrement dit, regardez ce qu'il va dire. Autrement dit, les richesses et les bienfaits que je concède, donc l'auteur ici va expliquer le sens du verset. Il veut dire, autrement dit, les richesses et les bienfaits que je concède à ma créature ne lui sont pas forcément un signe d'honneur. Lorsqu'Allah donne et octroie, c'est pas forcément en vue d'honorer. Et à l'inverse, et ils ne viennent pas non plus en échange des honneurs qu'elle peut me rendre. Cependant, c'est une épreuve et un examen que je lui fais. Sera-t-elle reconnaissante pour que je lui donne davantage, ou bien va-t-elle renier et se voir reprendre ses richesses afin que je les prodigue à un autre ou à une autre personne. À l'inverse, la pauvreté et l'indigence n'est pas synonyme de mépris de ma part, mais c'est également une épreuve. Va-t-elle endurer afin que je lui multiplie les richesses dont elle fut privée, ou bien va-t-elle se mettre en colère et recevoir la colère divine en retour? Et c'est des paroles qui sont immensément pertinentes. Et c'est pour ça que dans l'explication, قال صاحب كتاب إفادة المستفيد قال في قول الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن في هذه الآية. بعض الناس أو كثير من الناس مقياس الكرامة عنده هو أن الإنسان يعطي من هذه الدنيا يعطى من الأموال والأولاد والجه فيقولون هذا كريم على الله وهذا هو السعيد. وأما الذي يكون في فقر وحاجة وضيق من العيش فيقولون هذا شقي وهين على الله عز وجل ولا يعلمون أن الأمر بالعكس فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكنه لا يعطي هذا الدين إلا من يحب. سبحان الله. Regardez l'auteur d'Ifadat al-Mustafid, le cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ce verset, par rapport au verset qu'on vient de traduire précédemment. Il dit, les gens, pour eux, la majorité des gens, qui n'ont pas en réalité une réelle connaissance, une bonne conception des choses, pour eux, al-miqyas. Pour eux, la ligne sur laquelle ils se basent, les valeurs pour eux sur lesquelles ils se basent, c'est que lorsque le Créateur a donné plutôt, a octroyé de cette dunya à des individus, à des êtres, pour eux, c'est signe de bonheur. Et c'est signe d'honorabilité. Et donc, ils ont été honorés. Donc, celui qu'on voit avec de la dunya, avec des biens, celui qui est favorisé par rapport à d'autres, alors nous, dans notre pesée des choses, nos conceptions des choses, on considère que lui, il est honoré, il est bien, et Allah Azza wa Jal lui a voulu du bien. A l'inverse, celui qui, par exemple, est pauvre, n'a pas forcément beaucoup de richesses, beaucoup de fortune, on considère que lui, il n'est pas honoré, il n'est pas honorable, et il est rabaissé. Et c'est tout à fait l'inverse, pourquoi ? Parce que les savants disent que la règle, c'est quoi ? Cette vie d'ici-bas, les biens de cette vie d'ici-bas, Allah Azza wa Jal les octroie et peut les donner à celui qu'il aime et celui qu'il n'aime pas, forcément. Tandis que la religion, il la donne qu'à celui qu'il aime. Ad-Din, la religion, Allah guide vers cette religion que celui qu'il aime. Tandis que cette vie d'ici-bas et les biens de cette vie d'ici-bas, Allah peut les octroyer et les donner à des gens qu'il aime, qu'il agrée, comme des gens qu'il n'a pas agréés, dont il n'est point satisfait. Subhanahu wa ta'ala. Pour eux, cette vie d'ici-bas n'a pas de valeur en réalité. Et pourquoi Allah Azza wa Jal, il donne et il prive ? Parce qu'Allah est le ma'ati, Allah est le mani'a. Allah, c'est lui qui donne et qui prive. Pourquoi ? Il teste. Il éprouve ses serviteurs. Lorsqu'il te donne, il t'éprouve. Est-ce que tu vas remercier pour qu'il te rajoute ? Et lorsqu'il te prive, il t'éprouve. Est-ce que tu vas te mécontenter et être en colère ? Et donc, tu vas encourir la colère divine. Et donc, vous avez vu, c'est une épreuve. Il y a des gens, lorsqu'on leur donne, ils sont satisfaits. Lorsqu'ils sont privés, ils se mécontentent. Lorsqu'ils sont privés, ils sont mécontentes. C'est pour cela que dans un hadith, le prophète ensemble dit « Ta'isa abd al-dinar wa ta'isa abd al-dirham wa abd al-khamila wa abd al-khamisa in a'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita » Ta'isa, que périsse, dans un récit il est dit, le serviteur du dinar et le serviteur du dirham, d'al-khamila, d'al-khamisa. En gros, le serviteur de l'argent, l'esclave de l'argent. Lorsqu'on lui donne, il est content. Et lorsqu'il est privé, il est mécontent. Ça, c'est un récit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'un jour, un grand imam dans les générations précédentes, un jour, il avait mis une pièce sous son pied. Il s'est adressé aux gens en leur disant, j'ai votre seigneur sur mon pied. Et les gens étonnés. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il dit le chir ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Il leur dit, j'ai votre seigneur sous mon pied. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Alors il a levé son pied, ils ont vu une pièce. Ça devait être sans doute à l'époque une pièce d'or. Allahu a'lam. Il a dit, voici votre seigneur. Abd al-dinar. Mais aujourd'hui, ils le disent, les gens. Ils le disent, ils s'en cachent pas. Puisqu'ils le disent, ils sont matérialistes. On a été éduqués dans le matériel. Et eux-mêmes le disent, ils ne s'en cachent pas lorsqu'ils disent « Moi, lorsqu'il est question d'argent, je ne plaisante pas. » Ils disent même « Il n'y a pas de frère. » « A'udhu billah » ces paroles. Des fois, on dit des paroles, on ne s'en rend pas compte. Et c'est ça la différence qu'il y avait entre la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui sont venus ensuite. Ceux qui sont venus ensuite. Que les compagnons, il est dit que eux, la dunya, était juste dans leurs mains. Mais n'avait pas pénétré, elle ne s'était pas infiltrée dans leur cœur. Mais nous, elle est aussi bien sur la main et dans le cœur. La dunya, elle a pénétré les cœurs, c'est-à-dire l'amour démesuré, elle a pénétré les cœurs. C'est pour cela que dans un récit où il y a une réflexion sur l'authenticité du récit, certains ne le voient pas forcément authentique, mais le sens est bon, selon certains savants, c'est que le prophète avait dit que les compagnons, eux, ils avaient été épargnés de deux ivresses. L'ivresse de l'ignorance et l'ivresse de l'amour démesuré de cette vie d'ici-bas. Hub l'aïch. Et il dit que les générations qui viendront après ne seront pas épargnées de ces deux ivresses. Globalement ici, ce qu'il faut retenir, c'est que si Allah, toi, t'a privé, ce n'est pas forcément parce qu'il ne t'a pas honoré. Si Allah ne t'a pas donné par rapport à un autre, ce n'est pas forcément parce que toi, il ne t'a pas honoré, et que celui à qui il a donné, forcément, c'était en vue de l'honorer. Forcément, que c'était en vue de l'honorer. C'est quoi en réalité la valeur réelle? Vous savez, c'est quoi en réalité la valeur réelle? Ce n'est pas pour savoir si la personne est en réalité honorée auprès du Créateur subhanahu wa ta'ala. La valeur réelle, ce n'est pas les biens qui lui sont octroyés. Puisque chacun d'Allah Azza wa Jalla les éprouve comme il le veut, Jalla Jalalu. Toi, il peut t'éprouver par les biens, et un autre, il peut l'éprouver par la privation. Mais ça ne veut pas dire qu'un tel, il est honoré par cela, et l'autre, à l'inverse. Mais al-miqyas, la valeur sûre, vous savez, c'est laquelle? C'est l'ibada, c'est l'adoration, c'est la dévotion de la personne. Comment est-ce qu'il est sa relation avec le Créateur, subhanahu wa ta'ala? C'est ça, la valeur sûre. C'est comme cela qu'on peut voir, inna akramakum indallahi atqakum. Et ce qui prouve cela, c'est que la meilleure des créatures, le meilleur des hommes, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a point de doute, c'est le meilleur. Que les paix ou la paix et les prières soient sur lui. Allah l'a bien élu pour transmettre sa révélation. Allah aimait le prophète, il n'y a point de doute sur cela. Pourtant, le prophète passait des nuits affamé. Il sortait de chez lui la nuit à chercher à manger. Il n'avait pas à manger. Des jours et des jours, il n'était pas rassasié. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu une vie très modeste. D'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas attiré par les biens de cette vie d'ici-bas. Il n'était pas attiré par les biens de cette vie ici-bas. Alors le prophète, lui, qui passait des jours sans se rassasier, des nuits à avoir faim et à sortir, jusqu'à ce qu'il ait rapporté dans un récit, il sortit la nuit, il rencontra Abu Bakr, le célèbre compagnon premier calife plus tard de l'islam, et Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala an, les deux meilleurs de la nation, et eux-mêmes étaient sortis aussi pour cause de la faim. Est-ce que ça voulait dire que c'était en vue de ne pas les honorer? Ils n'étaient pas honorés auprès d'Allah parce qu'ils étaient privés des fortunes et des richesses de cette vie d'ici-bas? Là. Donc là, on a l'une des plus grandes d'épreuves. L'une des plus grandes d'épreuves. Si tu vois une personne pas forcément dévote, pas forcément obéissante de son Créateur, pas forcément pieuse, mais à qui Allah Azza wa Jalla lui a donné. Allah avait donné à Pharaon. Pharaon, Allah lui avait donné les pyramides, les biens, une certaine royauté. Mais pourtant, on a vu ensuite le dessein, ce qui est arrivé à Pharaon. Et ce n'était pas en vue de l'honorer tout cela. Et donc le croyant, lui, il est pertinent. Le croyant, à force de lire le livre d'Allah, il a la connaissance, il connaît, il commence à connaître son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des choses à connaître. Comment Allah Azza wa Jal gère cet univers. Hada ilm al-tawhid. C'est ça la science du tawhid. Et pour ça, c'est très pertinent ce que l'auteur nous enseigne. Et donc, les savants nous enseignent que la pauvreté, c'est pas forcément un signe. Si Allah lui n'a pas donné une personne, c'est pas forcément un signe que Allah Azza wa Jal le méprise. Ou Allah ne l'aime pas. Non. Un peu comme, regardez, il y a un très bel exemple. Un peu comme lorsque, par exemple, un médecin, il voit pour l'un de ses patients que, par exemple, la boisson et la nourriture peuvent lui nuire. Alors, il lui défend telle nourriture et telle boisson, parce que ça peut lui nuire. Pourtant, c'est quelque chose de bon. Mais il va le priver de telle boisson et telle nourriture pour le préserver. Pour le préserver. Alors, lorsque tel médecin va priver tel patient de ça et de ça, c'est pas parce qu'un tel il le méprise, mais c'est pour son bien. Mais c'est pour son bien. Bien sûr, en aucun cas on peut comparer le Créateur. En aucun cas on peut comparer le Créateur Mais les savants donnent des exemples pour que les êtres puissent comprendre. قال المصنف رحمه الله تعالى. Et là ensuite donc ce que dit l'auteur. Il dit وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره فإنه يوسع على الكافر لا لكرامته ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته فغاية سعادة الآباد في عبادة الله والاستعانة به عليها. Et donc pour terminer cette deuxième catégorie, l'auteur dit une très belle parole. Il dit donc pour obtenir le bonheur éternel, il incombe d'adorer Allah uniquement et de rechercher son aide en vue de réaliser son ambition ou cette ambition. Il conclut avec une très belle parole. Lorsqu'Alvan il dit en globalement, le Très-Haut nous informe que ses honneurs et son mépris ne se mesurent pas en termes de richesse et de pauvreté. Ça, il faut bien l'assimiler et le comprendre. Le croyant et la croyante doivent bien comprendre cette règle-là. Que le Très-Haut nous informe que ses honneurs et son mépris ne se mesurent pas en termes de richesse et de pauvreté. Ça, il faut l'apprendre par cœur. Donc ça, c'était à la fin de l'explication de la deuxième catégorie. قال في القسم الثالث troisièmement il dit القسم الثالث من له نوع عبادتي بلا استعانة وهؤلاء نوعان أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف وأنه لم يبقى في مقدوره إعادة له على الفعل فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل فلم يبقى بعدها إعانة مقدورة يسألها إياها وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم مسدودون عليهم طريق الاستعانة والتوحيد وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده والنوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر وأنها بدون المقدور بالموات كالموات الذي لا تأثير له بل كالعدم الذي لا وجود له وأن القدر كالروح المحرك لها والمعول على المحرك الأول فلم تنفذ بصائرهم من السبب إلى المسبب إلى المسبب ومن الآلة إلى الفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة حبل عن مكانه لأزاله فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع وأنه ما شاء كان ومن لم يشاء لم يكن فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به فتصبر نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته فتصير نسبه العبد اليه تعالى كنسبه الطفل الى ابويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته الى اخر الكلام. Donc là on a avancé un peu dans la lecture, on avait commencé la troisième catégorie. Donc l'auteur dit dans la troisième catégorie, toujours concernant les quatre catégories liées à Iyakan Arbud ou Iyakan Sta'in. Iyakan Arbud ou Iyakan Sta'in. La troisième catégorie, c'est ceux, il dit, la troisième catégorie correspond aux individus qui ont Al-Ibada, mais la Isti'ana. Donc, ils ont une part d'adoration, mais ils n'implorent pas l'aide du Créateur. Ils ont Al-Ibada, mais il n'y a pas de Isti'ana. Et on verra que la quatrième, c'est à l'inverse. L'homme Isti'ana, voilà Ibada. Voilà Ibada. Donc, cette troisième catégorie, face au verset Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, c'est ceux qui ont Ibada, voilà Isti'ana. Et vous allez voir que c'est très pertinent, puisque l'auteur nous enseigne en disant la troisième catégorie correspond aux individus qui adorent plus ou moins le Créateur, mais sans solliciter son aide. Qui sont-ils? Ceux qui adorent le Créateur, sans qui, pour autant, ils sollicitent son aide. Il va citer, il existe deux sortes de ce genre d'individus. Regardez ce qu'il dit. Al-Qism al-Thalith. Man lahu nu' ibadatin bila isti'ana. Il dit bien, man lahu nu' ibadati. Ils ont une part d'adoration bila isti'ana, sans forcément qu'ils implorent l'aide. Wa haula naw'an. Ahaduhuma ahlul qadari al-qailuna bi annahu subhana qad fa'ala bil 'abdi jami'a maqdurihi min al-altaf. Et la première catégorie, il dit, ou plutôt dans cette troisième catégorie, le premier genre, puisqu'il dit il y a deux genres, il existe deux sortes. La première, il dit, ce sont les adeptes du destin. En d'autres termes, plus littéralement, les négateurs du destin, dont la tendance assume que le Créateur a déjà doté sa créature de tous ses bienfaits. De tous ses bienfaits. C'est pourquoi il n'y a rien à ajouter à son destin en vue de l'aider dans ses actions. Donc ce sont, il dit, les adeptes, Ahlul Qadr plutôt, les adeptes du destin, et non Al-Qadariya, il dit les adeptes du destin, qui, il dit, eux, assument qu'Allah a déjà doté sa créature de tous ses bienfaits, c'est pourquoi il n'y a rien à ajouter à son destin en vue de l'aider dans ses actions. Allah lui a déjà offert son aide en créant en elle les outils indispensables à son fonctionnement et en la rendant saine. L'auteur continue en disant, il lui a montré le droit chemin par le biais de la mission des prophètes, il l'a de surcroît pourvu de la capacité d'action, ainsi elle n'a plus besoin de solliciter son aide. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils ont une part d'adoration, bilastirana, et donc ils ne sollicitent pas son aide. Et vous avez vu, c'est lié à une mauvaise compréhension encore du destin, de la question du destin. Regardez ce que l'auteur continue, il dit. Ainsi, cette catégorie, elle n'a plus besoin pour eux de solliciter son aide. Allah délaisse les partisans de cette tendance, il dit, qui sont livrés à eux-mêmes. C'est ça le khudlan. C'est lorsque tu es livré à toi-même. Alors Allah les livre à eux-mêmes et les a délaissés à eux-mêmes. Subhanahu wa ta'ala, glorifié, exalté soit-il. L'auteur, regardez ce qu'il va dire. Les portes de son aide et de son unicité leur sont fermées. Subhanallah. Les portes de son aide et de son unicité leur sont fermés. Comme le confirme Ibn Abbas. Ibn Abbas disait une célèbre parole, Al-Qadr Nizam At-Tawhid. La foi au destin, c'est l'ordre de l'unicité. En quelque sorte, le règlement, l'ordre de l'unicité, c'est-à-dire du Tawhid. Il dit, quiconque croit en Allah, sans croire au destin, remet en cause son unicité. Quiconque croit en Allah sans croire au destin, remet en cause son unicité. C'est une très belle parole. Si vous voulez, je vous la répète en arabe. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه القدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. Ça, c'est une parole aussi qu'il faut écrire, inscrire et apprendre. Donc, c'est pour ça que l'auteur est dit وَهَوْلَ مَخْذُولُونَ وَمَوْكُولُونَ إِلَى أَنفُسِهِمْ مَزْدُودٌ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ الْإِسْتِعَانَةِ وَالتَّوْحِيدِ. Subhanallah. C'est très... Les sens sont très pertinents dans le sens qu'il dit que هَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا بِهَذَا الْاَعْتِقَادِ وَبِهَذَا الْقَوْلُ وَذَهَبُوا إِلَى هَذَا الْقَوْلُ فِي القدر قال هؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الإيمان بالقدر نظام التوحيد فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيدا توحيدا. Donc ça c'est la première sorte d'individu. Il dit أهل القدر, les partisans du qadr. Donc on voit, ça c'est lorsqu'il dit les partisans du qadr, c'est-à-dire ceux qui ont été à l'extrême et qui ont exagéré. C'est l'excès. Vous avez vu, là c'est l'extrémisme dans la question. C'est l'extrémisme dans la question. Puisque ça les a menés à se dire que le serviteur, de toute manière, tout est là, il n'a pas imploré. Il n'a pas imploré. Donc ça, c'est une conception qu'on peut comprendre de ceux qui ont « Noa min al-ibada bila isti'ana ». Bila isti'ana. لا إله إلا الله اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة بعث محمد. Donc on va terminer inchallah. Donc observez bien ici le passage concernant la troisième catégorie pour bien la comprendre. C'est une réflexion immensément pertinente. Donc dans cette troisième catégorie, face au verset « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». C'est toi que nous adorons, toi seul, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Cette troisième catégorie, qu'est-ce que dit l'auteur ? Troisième catégorie, il dit, c'est la catégorie « Lahum na'u min al-ibada bilasti'ana ». La troisième catégorie, c'est ceux qui ont une part d'adoration, mais sans forcément implorer l'aide du Créateur. Alors, qui sont ceux qui peuvent adorer le Créateur, avoir une part d'adoration, mais ne pas forcément implorer. Lahum ibada ou na' min al-ibada bil isti'ana. Ma'ndhom isti'ana. L'auteur dit il y a deux sortes. Premièrement, ahlul qadr. Ahlul qadr. Ceux qui ont fait preuve d'extrémisme concernant la question du destin. Deux sortes de leniers. Et l'auteur de Ifadat al-Mustafid confirme que lorsque l'auteur l'imam al-Maqrizi dit ahlul qadr, il cite bien ce sont al-qadariyya. Que ça sous-entend al-qadariyya, comme on l'a dit au début, les négateurs du destin. Sauf que là, regardez, c'est très subtil. Et donc, pour bien comprendre cela, il faut revenir à la première catégorie. Comment les négateurs du destin, al-qadariyya, comment peuvent-ils avoir al-ibada bil-isti'ana? Al-ibada bil-isti'ana. On a dit dans la première catégorie, on a dit « Man jama'a bayna al-ibadati wa al-isti'ana ». C'est cette catégorie. La première, celui qui réunit entre l'adoration et al-isti'ana. La ibada, la isti'ana. De sorte que les savants, ils ont dit que pour justement faire tahqiq al-ibada, il faut avoir al-isti'ana. Il faut demander au Créateur. Et cela, on l'a bien explicité dans la dernière assise. Il faut demander au Créateur de nous aider à accomplir al-ibada. De sorte que si Allah Azza wa Jal ne nous aide pas, on ne pourra pas accomplir al-ibada. C'est pour cela qu'ensuite les savants mentionnent le hadith qu'on a cité. Lorsque le prophète Sansem a pris Mu'ad ibn Jabal, il lui a dit « Wallahi, inni uhibbuk, certes je t'aime » et il lui a dit « Fala tada' fi kulli duburi salah, ou fi duburi kulli salah, an taqula, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatik. » Ne délaisse jamais après chaque fin de prière. Et on avait expliqué ce que c'est avant salam ou après salam. On avait expliqué, ça peut sous-entendre avant les salutations comme après les salutations. Ba'd at-taslim. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Et donc on avait dit que cette parole-là, il faut toujours la dire. Ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à bien t'adorer. Et à bien t'adorer. Donc il faut toujours la dire après la fin de chaque prière. Est-ce que c'est avant les salutations ou après les salutations qu'on dit? Certains savants ils ont dit avant, d'autres savants ils ont dit après. Mais en général, les savants disent que tant qu'on le fait avant ou après, on est en cohérence avec la parole du prophète puisqu'il dit « La tada fi duburi kulli salah ». Fi dubur, ça sous-entend aussi bien avant de teslim que après de teslim. Après les salutations, comme on l'a bien explicité hier. Donc on avait dit, on a besoin d'implorer l'aide du Créateur pour nous aider à bien réaliser l'adoration. C'est ce qu'on appelle istihana. C'est ce qu'on appelle al-istihana. Si ça, on l'a compris, vous allez comprendre la subtilité dans la troisième catégorie. Donc on a bien compris que pour bien accomplir al-ibada, l'adoration, il faut implorer l'aide du Créateur. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Parce que si on implore l'aide du Créateur, Allah va nous aider à l'adorer. Si Allah ne t'aide pas et tu n'implores pas son aide pour l'adorer, alors tu ne pourras point l'adorer. Tu ne peux pas l'adorer. Regardez dans la parole d'hier, une très belle parole. Regardez l'auteur du commentaire, on avait appris, il dit dans cette très belle parole, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lawla anna Allah a'anaka mastata'ta an ta'buda. Ça faut l'apprendre par cœur. Lawla anna Allah a'anaka mastata'ta an ta'buda. Si Allah ne t'avait pas t'aidé, tu n'auras pas pu l'adorer. Si Allah ne t'aide pas, et l'auteur explique cela, lorsqu'il dit لِأَنَّهُ لَوْلَا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْبُدَ لَاحِظْ السِّرْ بَيْنَ الْجَمْعَ بَيْنَ إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. C'est le secret. Le mystère qu'il y a dans le verset, l'auteur dit remarque. السِّرْ بَيْنَ الْجَمْعَ بَيْنَ إِيَّاكَ نَعْبُدْ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Le secret. Pourquoi on dit ô Seigneur, aide-moi, ô Seigneur, c'est toi que j'adore seulement et j'implore ton aide? Parce qu'on a besoin d'implorer l'aide d'Allah pour qu'il nous aide. Donc si tu arrives à adorer Allah Azza wa Jal, c'est parce que Allah t'aide. Si Allah ne t'avait pas aidé, tu n'aurais pas pu venir à ce moment précis prier Salat al-Isha ma'al Jama'a. C'est Allah qui t'a soutenu et accordé son aide. Ça faut toujours y réfléchir et méditer. Et ça va te permettre de le remercier. Comme on a dit précédemment, par exemple, les bienfaits, la fortune, les bienfaits d'ici-bas, Allah peut les donner à qui il veut. Aussi bien à ceux qu'il aime et à ceux qu'il n'agrée pas forcément. Allah donne. Donc, Allah, il y a des êtres dont il est satisfait et dont il agrée et qu'il aime. Il y a des êtres dont Allah n'est pas satisfait. À qui Allah donne ? Il donne aux deux. Il peut donner la fortune et la richesse à un être dont il est satisfait, comme il peut le priver par bienfaisance, et il peut donner la richesse, la fortune et des biens à des êtres qu'il n'agrée pas forcément. C'est pas ça la valeur pour nous. Par contre, les savants disent « Ad-Din, la religion, il ne la donne qu'à des êtres qu'il aime. » Qu'à des êtres qu'il aime. Et donc, il accorde la réussite et l'aide pour l'application et la réalisation de son adoration à ceux qu'il aime. Donc, si tu te vois dévot, tu arrives à faire les prescriptions de ton Créateur, à le prier, à jeûner, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'a aidé. C'est qu'Allah t'a aidé. Donc, tu dois aussi bien l'adorer, mais tu dois demander son aide. C'est pour ça que, regardez, le prophète, lorsqu'il a pris son compagnon Mu'ad ibn Jabal, il lui a dit, « Ô Mu'ad, vraiment, je t'aime. » Regardez, c'est le messager d'Allah qui dit ça à un jeune compagnon. « Ô Mu'ad, vraiment, je t'aime. » Regardez le comportement du prophète. Ensuite, il va lui enseigner une chose. Il va dire, « Ô Mu'ad, ne délaisse jamais après chaque prière. » Et donc, on a dit après chaque prière, ça peut sous-entendre avant les salutations comme après les salutations, on peut le dire. Et on peut le dire avant les salutations. Le prophète lui dit, « Ne délaisse jamais après chaque prière le fait de dire, « Ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier. « Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. »« Ô Seigneur, aide-moi à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer. » Parce que si le Seigneur ne t'aide pas à l'adorer, tu ne pourras l'adorer. Si on a compris ça, vous allez comprendre le qism thalith. Vous allez comprendre la troisième catégorie. Ceux qui ont une part d'adoration, mais pas forcément qui ont l'imploration de l'aide. Ont l'imploration de l'aide. Et on détaillera bien cela dans la dernière assise. لكن الشيخ دي هؤلاء القدرية الذين يقولون أن الله أقدر العبد وأعطاه القدرة على العمل. Donc il n'a pas besoin de demander l'aide. Puisqu'Allah, eux, ils pensent qu'Allah lui a donné la force. Et c'est lui qui agit. Donc, il n'a pas besoin d'implorer l'aide puisqu'il agit indépendamment. C'est ça, là, la faïda et la subtilité de Al-Qism al-Thali. Donc, Al-Qadariya, lahum nu'a al-ibada, lakin binun isti'ana. Voilà des faïdatun azima. On continuera cela dans une prochaine assise. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. وآلي وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيكم